Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la boîte à BO Bueo pour bande originale. Vous savez, chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film avec de nombreuses rubriques que vous allez progressivement découvrir tout au long de ces 30 minutes. Alors nous souhaitons ainsi vous montrer la très grande richesse de ce patrimoine musical tout en évoquant de nombreuses anecdotes concernant les films sélectionnés. Et bien sûr, comme chaque semaine, fidèle au poste, Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, peux-tu nous parler du programme du jour? Eh bien, cette semaine, on va retrouver les BO des films Kill Bill, Soleil de minuit, La Grande Évasion, Flic ou Voyou et bien d'autres encore. Eh bien, parfait Francine, sans plus tarder, voici donc la boîte à BO et merci d'être fidèle à Radio Fadjet. Alors, passons tout de suite à notre première séquence, la séquence BO culte avec le film Kill Bill volume 1, le premier volet du superbe film de Quentin Tarantino, réalisé en 2003 et avec la magnifique Uma Thurman. Alors, le diptyque Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2 marque le grand retour de Quentin Tarantino derrière l'objectif après 6 ans d'absence. Un film événement, car Kill Bill est seulement le 4e film du cinéaste. Alors, Francine, est-ce que tu peux me citer les autres films que Quentin Tarantino avait réalisé avant? Alors, il y a Reservoir Dogs en 1992, Pulp Fiction en 1994 et je crois Jackie Brown en 1998. Incollable, Francine. Alors, Kevin Costner et Warren Beatty avaient été pressentis pour incarner Bill, mais c'est finalement David Carradine qui sera choisi. Inoubliable interprète, Francine, de quelle série télévisée de notre jeunesse? Eh ben, Kung Fu! Voilà, dans les années 70, et oui, ça remonte à quelques années, auquel donc le film rend également hommage. Alors, pour Kill Bill volume 1, Quentin Tarantino utilise pour la première fois de la musique originale. Et c'est le rappeur producteur RZA qui compose plusieurs morceaux et qui produit l'album. Mais alors qu'il devait initialement composer la majeure partie du film, Quentin Tarantino a préféré utiliser principalement des morceaux déjà existants, comme pour ses précédents films. Et alors justement, l'extrait de la violente séquence initiale de ce film repose sur la chanson de Cher, écrite par son époux Sonny Bono et chantée dans ce film par Nancy Sinatra, Bang Bang. Donc je vous propose tout de suite d'écouter donc un extrait. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Alors maintenant, place à la BO en chanson. La chanson se mêle souvent à la musique de film et de grandes chansons étaient au départ de la bande originale de film. Et cette semaine, Say You Say Me de Lionel Richie pour le film Soleil de nuit, film américain réalisé par Taylor Hackford est sorti en 1985. Alors le film raconte l'histoire d'un ancien danseur étoile du Kirov qui a fui la Russie. L'avion qui le transporte à Tokyo doit faire un atterrissage forcé en Sibérie où il est reconnu par un officier du KGB. Il y fait la connaissance de Raymond Greenwood, danseur américain, et lui demande de l'aider à repasser de nouveau à l'ouest. Donc en 1985, Lionel Richie participe à deux bandes originales de films, Le Soleil de nuit avec le tube Say You, Say Me, mais Jérôme également, quel film ? Écoute, je suis un incollable de Lionel Richie, donc c'est La couleur pourpre de Spielberg avec cette belle chanson Miss Sally's Blues, je crois. Tout à fait. Et pour le film Soleil de nuit, Lionel Richie a reçu l'Oscar de la meilleure chanson. Donc je vous propose tout de suite d'écouter cette belle ballade langoureuse. Say you. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. I had a dream. I had an awesome dream. Playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do. Oh, should be. Save you, save me. Say it together naturally. Say it together naturally. Voilà, vous venez donc d'écouter Say You, Say Me de Lionel Richie pour le film Soleil de nuit. Alors passons maintenant à la séquence BO Aventure avec ce grand film La Grande Évasion, un film réalisé en 1963 par John Sturges, avec bien sûr Steve McQueen pour lequel il tient pour la première fois le rôle principal. Et pour le comédien, c'est le début de la gloire. Alors la musique de ce film est signée Elmer Bernstein qui retrouve John Sturges 3 ans après Les Sept Mercenaires et qui propose l'un des thèmes les plus populaires dans le monde de la musique de film. En effet, célèbre marche surprenante et éclatante de par son côté enjoué, comique et entraînant, c'est le style d'air que l'on a des difficultés à sauter de la tête tant que la marche de la Grande Évasion marque l'esprit du spectateur. Alors, sais-tu que la Grande Évasion est également le titre d'une radio en ligne qui est justement consacrée aux musiques de films ? Oui, tout à fait, Francine. J'écoute de temps en temps, effectivement, cette radio en ligne qui propose une grande diversité, effectivement, de musiques de films. Allez, on retrouve, Francine, tout de suite, donc, la Grande Évasion avec cette BO signée, donc, Elmer Bernstein. On vient d'écouter la BO de La Grande Évasion et maintenant on va passer à la BO comédie avec Flic ou Voyou, réalisée par Georges Lautner en 1979. Alors Georges Lautner qui est le père des tontons flingueurs quand même. Alors dans Flic ou Voyou, comédie populaire policière de la fin des années 70 qui attirera pas loin de 4 millions de spectateurs. Notre regretté Jean-Paul Belmondo est dans une forme olympique et se déchaîne comme rarement. Il joue le rôle d'un inspecteur de police envoyé à Nice pour enquêter sur la mort d'un autre inspecteur de police. Alors Francine, Flic ou Voyou, c'est la première collaboration Belmondo-Lautner. Je crois qu'ils ont joué ensuite d'autres... Ils ont collaboré avec d'autres films. Tout à fait, Jérôme. On a eu Le Guignolo en 1980, Le Professionnel, un énorme succès en 1981 et Joyeuse Pâques en 1984. Et la musique du film est signée Philippe Sard, qui est le fidèle compositeur des films de Lautner, car il s'agit là de leur 7e collaboration. Il propose ici un mélange inédit entre la dimension classique des cordes et d'une flûte avec l'apport du trompettiste de jazz américain Chet Baker. Voilà, vous êtes bien sûr Radio Fadjet, c'est la boîte ABO et vous venez donc d'écouter l'ABO du film, donc ici, donc Flic ou Voyou, signé Philippe Sartre. Alors on va passer maintenant à la séquence BO Frisson, l'occasion de vous montrer comment, au-delà des images, une musique de film peut créer un sentiment d'angoisse. Avec aujourd'hui la bande originale du film Dracula, réalisé par Francis Ford Coppola en 1993, avec une musique composée par le compositeur donc polonais Wojciech Kilar. Alors la distribution principale est composée de Gary Oldman dans le rôle donc du comte Dracula, de Winona Ryder, d'Anthony Hopkins et de Keanu Reeves. Alors sais-tu Jérôme que dès le départ Francis Ford Coppola ne voulait surtout pas avoir recours aux effets spéciaux générés à partir des ordinateurs. Il voulait, selon ses propres termes, travailler à l'ancienne et c'est ainsi qu'il a fait appel à son fils Roman Coppola qui a utilisé les vieux trucages du cinéma. Eh bien, merci Francine pour cette précision et on regardera justement différemment ce film après cette remarque. Alors le film a été un très grand succès commercial, il a remporté plusieurs récompenses dont 3 Oscars. Alors donc le compositeur donc polonais Kilar met brillamment en musique Dracula avec une BO grandiose, terrifiante mais aussi exceptionnellement envoûtante. Alors les Dracula ont toujours été une aubaine pour les compositeurs qui leur ont toujours dédié à chaque fois des partitions orchestrales gothiques, sombres et sensuelles. Et la musique de Wojciech Kilar ne déroge pas à la règle et va encore plus loin dans la sensualité, l'horreur et le romantisme, autant de thèmes qui constituent toute l'âme du film de Francis Ford Coppola. Alors je vous propose donc tout de suite d'écouter la plus célèbre partition écrite par Kilar pour le cinéma américain, la BO du film Dracula. Donc après cette musique angoissante de Dracula, on va passer à la BO romance, un peu de romantisme pour terminer ce numéro de la boîte à BO, l'occasion de retrouver les BO des films qui nous ont tous fait chavirer. Et vous connaissez certainement Le secret de Brokeback Mountain, un film américain de Ang Lee de 2006. Alors la musique est composée par l'Argentin Gustavo Santaolalla qui retrouve ses guitares minimalistes pour cette fresque d'Ang Lee, filmant la romance entre deux cow-boys dans les rocheuses entre le début des années 70 et la fin des années 80. Le secret de Brokeback Mountain a décroché le Lion d'or lors de la 62e Mostra de Venise en 2005 et le film a par ailleurs été récompensé par 3 Oscars dont le meilleur réalisateur et la meilleure musique de film. Alors Francine, je vais t'apporter une petite précision concernant ce film parce que le 8 décembre 2008, la chaîne italienne Rai Due a diffusé donc une version censurée du film dans lequel donc deux scènes ont été coupées, justement la scène où est évoquée la première relation sexuelle entre les deux héros et la scène où ils s'embrassent. Alors cette diffusion a suscité une polémique en Italie de la part de certains téléspectateurs et des associations donc de défense des personnes homosexuelles. Eh bien Rai Due a dû rediffuser alors le film sans aucune censure, mais cette fois-ci donc à 23h40. Merci Jérôme pour cette précision. Alors retrouvons donc tout de suite les guitares de Gustavo Santaolalla. Alors ce film, Le secret de Brokeback Mountain, a reçu également un Golden Globe de la meilleure chanson originale pour A Love That Will Never Grow Old, interprété par Emilio Harris, toujours composé par Gustavo Santaolalla avec des paroles de Bernie Taupin. Donc retrouvons tout de suite un extrait. Sleep, may your sweet dreams come true. Just lay back in my arms for one more night. I've this crazy old notion that calls me sometimes, saying this one's the love of your life. 'Cause I know never grow old. And I know a love that will never grow old. When you wake up, the world may have changed, but trust in me, très belle chanson que se termine donc la boîte à BO. Donc j'espère que cette émission vous a plu. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet, puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Alors Francine, rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jérôme. Alors d'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à Radio Fadjet.